Tempus fugit, comme dirait l'autre. Et qu'elle a été longue cette année, recluse, inquiète, isolée. Mais l'été est presque là, les masques sont presque tombés. Et devant nous se profilent quelques semaines d'insouciance tant méritées. Revoir d'autres horizons que ceux du canapé et de la chambre à coucher. Être à nouveau ensemble, parler, échanger. Qu'est-ce que t'as lu, toi, pendant ces interminables confinements? Maintenant que vous avez écumé Netflix, Amazon, Canal et OCS, que reste-t-il à voir cet été? Peut-être même en salle, puisque les cinémas ont réouvert. Maintenant que vous avez eu le temps de finir l'intégralité du cycle de Dune, de Fondation et du Disque Monde, vous allez emporter quoi cet été? De la SF plein la valise, première partie, c'est le programme qui sent bon la Camargue, qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et oui, vous avez bien entendu, première partie, parce que comme une heure, on se dit à chaque fin de saison que c'est un peu court, eh bien la conversation va se prolonger après cette émission en direct pour une deuxième partie, une deuxième heure de discussion avec tous nos invités. Deuxième partie que vous pourrez retrouver en ligne et en podcast aussitôt l'enregistrement terminé. Et donc, pour remplir bien votre valise, le crème de la crème, comme on dit en anglais, des invités de cette saison ô combien intense de la méthode scientifique, à commencer par l'immarcessible Simon Rio. Bonjour Simon. Bonjour Nicolas, vous en êtes un autre. Rédacteur en chef du site Écran Large. Bonjour Catherine Dufour. Bonjour Nicolas. Ravi de vous retrouver au bal des absents au seuil, l'arithmétique terrible de la misère au Bélial notamment parmi tant d'autres. Bonjour Ariel Kirou. Bonjour. Dans les imaginaires du futur, c'est chez ActuSF. Marion Mazorik est en ligne avec nous. Bonjour Marion. Bonjour, comment allez-vous à Paris? Eh ben écoutez, pluvieusement, il fait bien gris chez nous. En direct des locaux du Diable Vauvert qui vient de fêter ses 20 ans. Joyeux anniversaire Marion et merci, au Diable. Merci Nicolas. Aux 20 prochaines années. Mathieu Pinon va nous rejoindre dans quelques instants. Mathieu, journaliste spécialisé pop culture japonaise. Marc Catala est également en ligne avec nous. Bonjour Marc. Bonjour. Maître d'enseignement à l'Université de Lausanne et directeur du musée suisse de la Maison d'ailleurs, Romain Dodéjean. Bonjour Romain. Bonjour Nicolas. Scénariste et réalisateur. Sans oublier les incontournables, ils sont à la méthode scientifique ce que Olivier de Kersauzon et Claude Sarraud sont aux grosses têtes. Olivier Lascar, bonjour. Ah, c'est moi Kersauzon, ouais. Tu aurais pu dire Jean-Yann quand même. J'aurais pu dire Jean-Yann, paix à son âme, de notre partenaire chéri Science et Avenir, chef du pôle numérique, et Cécile Lestienne. Bonjour Cécile. Bonjour Nicolas, je suis ravie d'être Claude Sarraud. De la rédaction, directrice de la rédaction de Pour la Science. Et nous sommes ravis de retrouver Mathilde Fontaise. Bonjour Mathilde. Bonjour Nicolas. Rédactrice en chef du tout nouveau Epsilon qui est sorti dans les kiosques depuis mercredi. Et on va commencer, puisque nous avons un programme chargé, par une série. Je sais quel est cet endroit. Les gardiens du temps sont les rois du cirque. Et les clowns y jouent leur rôle à la perfection. Des métaphores en pagaille, et c'est magnifique. Ça vous donne l'air encore plus malin. Je suis malin. Oui, je sais. Ok. Ok. Alors, si on m'avait dit un jour qu'on défendrait du Marvel dans cette émission, Catherine Dufour... Je n'étais pas prêt. Pour Loki, ça vous a plu, c'est sur Disney+, c'est une série de super-héros. Voilà, c'est une mini-série américaine de 6 épisodes qui a été créée par Michael Waldron et qui est diffusée à partir du 9 juin 2021. On en est là, on attend le 3e épisode, hein, c'est sur Disney+. Donc ça fait partie de la phase 4 de l'univers cinématographique Marvel. Donc c'est basé sur le personnage de Loki, issu des comics Marvel. Évidemment, c'est Tom Hiddleston qui reprend le rôle de Loki. Qui est le demi-frère de Thor, le dieu de la malice dans la mythologie nordique. Exactement. Et alors, Marvel, Catherine, expliquez-moi pourquoi. J'ai besoin de comprendre. En fait, non, c'est pas Marvel, c'est Tom Hiddleston, je peux le dire. Et c'est aussi cet humour typiquement, peut-être pas marvelien, mais au moins avengérien, qui est extrêmement agréable et qui fait que l'univers Marvel échappe au combo grosse baston et gros pathos. Mais alors, le personnage de Loki, effectivement, peut-être un des personnages les plus sympathiques de la dynastie Marvel. On a pu dire ou lire que ce Loki était une sorte de réactualisation de Doctor Who. Vous trouvez, c'est vrai, c'est faux? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il est extrêmement sexy. Ce qu'on pense à Twittosphère, c'est que c'est un personnage, ça leur plaît beaucoup, officiellement bisexuel. Et c'est visiblement une grande découverte, alors que ça fait quand même un peu 3000 ans que Loki a accouché de Sleipnir, le cheval à huit pattes, de Jormungand, le serpent, de Hel, qui est quand même la déesse de l'enfer. En fait, Loki a toujours été totalement gender fluid. Un peu plus, puisqu'il fait même l'amour avec des animaux, comme c'est la tradition dans les mythologies anciennes. Qu'est-ce qui vous a plu vraiment dans ces premiers épisodes par rapport au reste du tout venant du Marvel ? C'est l'humour. En fait, c'est Tom Hiddleston porte avec lui un humour british fin. On s'ennuie pas une seule seconde. Il y a de la baston, on est un peu obligé parce que c'est du Marvel. Mais on a effectivement l'impression de voir plutôt un Sherlock. D'ailleurs, c'est très basé sur un mécanisme d'enquête. Et il est en duo, plutôt en trio, avec un patron qui est très bien campé par... il s'appelle Möbius von Möbius, en fait, Möbius M. Möbius. Et qui est joué... très bien campé par Owen Wilson. Owen Wilson, voilà. La tempe grisonnante. Exactement. On ne le connaissait pas. Oui, tout à fait, avant, oui, c'était un joli petit blondinet. Et puis, il y a une femme forte, Yunmi Mosaku, qui complète ce trio. Et alors, ce qui est très désagréable, c'est qu'ils sortent un épisode... par semaine, donc on est obligé d'attendre. Ça me rappelle ma jeunesse et vraiment, je détestais ça déjà à l'époque. Simon Rio, Loki, c'est plutôt réussi dans cette phase 4, dans cette diversification de Marvel qui passe du cinéma à la série avec l'ambition Disney Plus en plus, etc. Alors, c'est réussi à condition d'apprécier et d'accepter ce qui semble être désormais la recette Marvel pour leur série, c'est-à-dire s'approcher d'un univers de grands codes. On parlait de Doctor Who, mais dans les premiers épisodes, lorsqu'il est face à la bureaucratie complètement folle, donc des gardiens du temps, on est très proche de Gilliam aussi. Et voilà, il faut accepter qu'on ne va pas forcément créer des formes, mais tout simplement les recycler, les reciter et le faire avec une certaine technicité. Parce qu'il faut rappeler que du coup dans cette série, Marvel ouvre les portes de ce qui va devenir la phase 4 et commence à jouer avec les lignes temporelles. Et vous dites d'ailleurs, Simon, sur le site Écran Large, que ça peut être aussi peut-être ce que Marvel a vécu du côté comics dans les années 90, c'est-à-dire peut-être le début d'un égarement ou... Alors d'un égarement, je ne sais pas, mais effectivement, il faut se rappeler que Marvel, bien avant d'être racheté par Disney, était donc une pure maison d'édition, de bande dessinée, de comics, et que la fin des années 80, les années 90 ont été un tournant assez tragique pour la société, qui est passé tout près de la banqueroute, tout simplement parce qu'elle avait à ce point multiplié les intrigues, les personnages, les multivers, les dimensions parallèles, qu'il était à la fois un peu démotivant pour un lecteur de continuer à suivre son Spider-Man, s'il existait 6 autres Spider-Man. Est-ce que c'est toujours un grand héros ? Et très difficile pour un nouveau lecteur de rentrer là-dedans parce que c'était devenu des univers énormes. Et donc les ventes se sont petit à petit écroulées jusqu'à ce que Marvel, pour essayer de se sauver économiquement, commence à vendre à des studios de cinéma les droits de leurs super-héros jusqu'à finalement être racheté par Disney quelques années plus tard. C'est-à-dire trop de productions, trop d'univers multiples, on finit par perdre le fil et on se détache finalement de l'univers étendu. Alors sachant que la véritable question, c'est est-ce que c'est, on va dire, un destin qui attend le MCU, le Marvel Cinematic Universe, ou au contraire, est-ce que le public d'aujourd'hui, le grand public, s'entend, est beaucoup plus capable ou désireux d'appréhender des multivers et ses principes de science-fiction ? Eh bien on va tout simplement le découvrir dans les années qui viennent. Catherine, un mot, les autres séries, WandaVision, tout ce qui est en train de se passer, le Marvel Universe, c'est quelque chose auquel vous étiez sensible d'une manière ou d'une autre ? Oui, moi je fais partie de ces jeunes d'il y a longtemps qui lisaient les comics et j'ai beaucoup apprécié toute la série Marvel. Et là, j'ai l'impression qu'ils essayent de se déplacer. Alors déjà, ils se mettent à explorer vraiment tous les multivers et le voyage dans le temps. Et pour le moment, ils s'y prennent pas mal. Et ils essayent d'avoir une touche, bon, je ne vais pas dire plus intellectuelle, mais si, quelque chose comme ça, avec plus de second degré, ce qui vraiment fait pas de mal à l'univers Marvel. Et puisqu'on parle de séries et de franchises, il y a une personne autour de cette table qui est emballée par une franchise qu'on pensait pourtant essorée jusqu'à la dernière goutte. Et on peut vous conseiller de revoir Star Trek, Ariel Kirou, mais quelle Star Trek, les reprises, les nouvelles franchises vous ont séduites ? Oui, en tout cas, elles m'ont amusé. Voilà, y en a deux, en fait. Il y a Star Trek Picard. J'ai toujours adoré ce héros au nom de surgelé, en fait. Ce héros français, par ailleurs. Voilà. Jean-Luc donc, Picard. Voilà, donc Star Trek Picard. Le père Patrick Stewart. Tout à fait. Et Star Trek Discovery. Alors, qu'est-ce qui m'a intéressé ? Alors déjà en fait, Star Trek Discovery commence par une héroïne qui est noire pour le coup, mais ça c'est pas nouveau chez Star Trek, qui se fait complètement blackbouler et qui se plante. Donc déjà, on a affaire à des perdants au départ. Ça, j'aime bien. Ensuite, il y a un personnage qui est le Pévelien, le une sorte d'extraterrestre qui a un look abominable. En fait, hein, c'est comme si il y avait plus une sorte d'humain sans peau. Donc c'est, j'adore toujours d'ailleurs dans les séries de science-fiction ces personnages qui nous semblent réellement affreux en fait. Et c'est un peuple d'esclaves. Il a même pas le niveau, quoi, son peuple, pour faire partie de Starfleet. Mais il est là. Et il va prendre la tête du Discovery, en fait. Et c'est vraiment un peuple d'esclaves, quoi, de purs esclaves, de moins que rien, de zéro. Et donc ça, c'est plutôt, ça rénove un peu, ça met un petit air du temps, et c'est plutôt intéressant. Bon, quant à Star Trek Picard, là, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que voilà enfin une série avec un héros Kakoshime. Voilà, on le voulait, on l'a eu. Patrick Stewart a 80 ans. Voilà. C'était le capitaine de l'Enterprise dans The Next Generation, qui est pour beaucoup la meilleure des séries de Star Trek. Exactement, oui, qui est assez extraordinaire, ouais. Avec un début assez fabuleux, en fait, hein, dans cette série de effectivement, Generation. Et il défend, donc, comme toujours, les androïdes, en fait, hein, qui sont effectivement plus ou moins pourchassés. Et il pense qu'il y a une chose, c'est à Sévigne sur Terre. Et à la fin, en plus, il meurt, quoi. Parce que bon, alors il meurt. Est-ce qu'il va renaître dans une prochaine saison? Le premier spoiler de l'émission, il va y en avoir un certain nombre. Il va peut-être renaître. Voilà. C'est vrai que il y a une saison 2 qui s'appelle Picard. Donc vraisemblablement, il va renaître. Ouais, moi, je fais le pari qu'il est sous une forme plus ou moins androïde. Il va. Mais voilà. En tout cas, cette idée du héros Kakoshime, ouais. Donc dans notre époque de vieillissement et d'économie sociale et solidaire, me semble être une idée tout à fait pertinente pour sortir des beaux héros et des belles femmes pleines d'entrain. Parce qu'il retrouve tous ses anciens compagnons de The Next Generation, les caméos s'enchaînent. Vous n'avez pas l'impression qu'on tire un peu tout de même sur la franchise, sur la marque, sur la nostalgie, au lieu de renouveler les imaginaires, finalement, on parie, on met de l'argent dans ce qui va finalement fonctionner, parce que ça parle à des générations qui ont connu ces séries anciennes. Il faudrait voir s'il y a de nouvelles générations qui s'y intéressent et qui y plongent. Après, moi, je me dis qu'on utilise les vieilles marmites ou qu'on en use de nouvelles. Dans les deux cas, on fait des sous-produits et parfois on a des bonnes surprises. Donc moi, ça me dérange pas. Il y a un petit côté Madeleine de Proust, un peu comme Marvel. Marvel, effectivement, il y a pas mal de choses qui sont un peu ennuyeux, on a l'impression de l'avoir déjà vu, mais s'ils rénovent en quelque sorte leur système en transformant des héros et super-héros en anti-héros, des moins que rien, on entre dans une logique qui est un peu différente et qui potentiellement change de paradigme. C'est-à-dire que un vieux bonhomme qui vraiment en plus, c'est à peine s'il a pas une canne, c'est une nouveauté qui vaut la peine. Voilà. Et en même temps, Simon Rio, sur cette question-là, le vieux héros s'est testé depuis Clint Eastwood. On peut penser à son western crépusculaire. Impitoyable. Ou tout récemment, pour revenir à Marvel, dans Logan, la version vieille, où Hugh Jackman était vulnérable. Et où Patrick Stewart. Et où Patrick Stewart jouait justement le Dr. X, déjà. Alors, effectivement, c'est Attendre la maladie d'Alzheimer. Absolument. Et alors, effectivement, ça n'est pas tout à fait nouveau. Néanmoins, comme vous le soulignez, c'est très intéressant de le mettre dans Star Trek, ou en tout cas dans la science-fiction, parce que Star Trek, c'est l'exploration spatiale, c'est la nouvelle frontière, et c'est quand même une certaine idée d'équipage relativement jeune. Et je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que, justement, vous évoquiez Star Trek Discovery, c'est-à-dire que la saga n'en reste pas uniquement à y tirer le filon. Elle s'intéresse effectivement à un nouveau paradigme, et puis, littéralement, ce corps âgé, cette physicalité différente, dans un univers ultra-technologique, ça induit quelque chose d'autre, et je trouve ça, par exemple, assez intéressant que dans l'univers de Star Trek, qui a toujours été qui s'est pensé comme allant vers le progrès, vers une forme de prospective humaine, philosophique et explorationnelle, ben je trouve que c'est très beau de mettre là-dedans justement un homme qui lui pense à ses vignes sur Terre. Marc Attala, peut-être une réaction sur Marvel, sur Star Trek, sur ces franchises de science-fiction dont on pense qu'elles peuvent être, qu'on peut commencer vraiment à tirer un peu sur la corde de l'exploitation et de la franchise justement? Première chose, il me semble que ça fait des années qu'on dit ça. Ça fait des années qu'à chaque nouveau film de super-héros, chaque nouvelle série de super-héros, on se dit les gens vont se lasser, mais ça fait bientôt 20 ans qu'ils se sont pas lassés. On pourrait peut-être se poser la question de pourquoi. C'est aussi les plus grands succès cinématographiques en termes de rentrée d'argent. Et donc, évidemment, peu de chances que Marvel, par exemple, lève le pied sur ses franchises. Il faut pas oublier aussi que les univers franchisés, et Marvel en particulier, c'est un réservoir inépuisable d'histoires. Ça fait que depuis les années 60 que des histoires sont publiées dans les comic books avec la continuité, les arcs narratifs parallèles, etc. Autrement dit, c'est un réservoir gigantesque d'histoire. C'est pas pour rien que Disney a pris le contrôle, un peu comme pour Lucasfilm et l'univers Star Wars. Et donc, finalement, tant qu'il y aura des histoires à raconter, il y a peu de chances que les studios se décident à ne pas faire à changer de politique. Surtout qu'ils continuent à rapporter beaucoup d'argent. Les derniers Avengers ont rapporté énormément d'argent. Pour quelle raison est-ce que Marvel, avec des films qui coûtent très cher, mais qui rapportent je ne sais pas combien de fois plus que l'investissement initial, se disent « bon, les gens ont sûrement un petit peu marre des super-héros ». J'ai l'impression qu'en fait, les gens n'ont pas du tout marre quand on voit en tout cas les chiffres de vente. Après, évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est si ces chiffres de vente commencent à descendre, là, on pourrait voir peut-être un déclin de ces grandes franchises. Mais les franchises, c'est d'abord des systèmes économiques très forts. Et donc finalement, s'ils continuent, c'est qu'il y a de l'argent qui rentre. Et c'est qu'il y a une attente mondiale et peut-être pas justement nationale, comme on a peut-être plus l'habitude de le penser, sur ces objets qu'on apprécie ou qu'on apprécie moins la qualité. On va changer de registre, on va passer à la BD avec vous justement, Marc Attella, parce que c'est une BD qui a séduit beaucoup de monde autour de cette table, y compris dans la rédaction de France Culture. Carbone et Silicium de Mathieu Bablet. Marc Attella, expliquez-nous, c'est publié chez Ankama. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette BD ? Bon, bah déjà, j'avais lu Shangri-La, hein, la BD précédente de Bablet, que j'avais adoré. Je trouve que justement, première chose, c'est quand même relativement rare avec une bande dessinée d'une aussi grande qualité, autant narrative, esthétique que poétique, parce qu'on peut bien dire qu'il y a une réflexion très poétique sur l'humanité et sur les styles de la science-fiction, la manière de raconter une histoire de science-fiction. On est à la fois dans l'atmosphérique parfois, dans la réflexion profonde existentielle, dans aussi une sorte de décalage qui permet de pouvoir lire notre histoire humaine quelque part à travers les yeux de ces robots malgré tout un peu dysfonctionnels, un peu problématiques, un peu mélancoliques, on pourrait dire. Il y a quelque chose d'assez particulier dans le ton justement mélancolique de l'histoire. C'est que Mathieu Bablet fait tout, hein, il fait le scénario, il fait le dessin, il fait l'ancrage. On a vraiment une œuvre personnelle. On n'est pas face à un studio, on n'est pas face à un ensemble de producteurs. J'ai évidemment rien contre le fait qu'on ait un ensemble, une équipe de créateurs, mais ici on a quelque chose qui a un univers très personnel. Racontez-nous, pardon Marc, je vous interromps, racontez-nous en deux mots de quoi il s'agit, quel est le fil narratif de cette bande dessinée. Alors je vais forcément, parce que je suis très mauvais pour faire ça, donc raconter, faire un résumé. Carbone et Silicium, c'est une bande dessinée unique qui met en scène des robots. Enfin, il y a une thématique de l'intelligence artificielle qui est mise en avant, c'est-à-dire qu'on est dans un monde, je me rappelle plus très bien, mais il me semble qu'il est un petit peu, il tend vers le post-apocalyptique à la fin. On commence à avoir une disparition de l'espèce humaine. Il me semble qu'il y a les zombies. On va éviter de donner le deuxième spoiler tout de suite. On va rester sur le début de l'histoire pour le moment. Alors voilà, c'est là. Je vais vous interrompre. On a des robots qui sont censés protéger la population humaine, qui sont construits sur des intelligences artificielles. Et puis, on va suivre en fait deux de ces robots, Carbone et Silicium, qui vont se séparer après avoir été très proches, et chacun va vivre en fait une vie très différente. Un qui va s'émanciper et vivre une vie très autonome, l'autre qui va rester proche de l'espèce humaine, et puis qui vont se retrouver en fait pour évoquer périodiquement ce qu'ils ont vécu, les heures et les malheurs de chacun. Mathilde Fontaine, vous avez beaucoup aimé Carbone et Silicium également. Vous pouvez retenter peut-être un autre résumé ou en tout cas nous expliquer pourquoi cette BD vous a plu. Ça va peut-être résumer d'une autre manière là, mais le pourquoi j'ai aimé. J'ai aimé, c'est le sens de l'ellipse en fait de l'auteur qui scande comme ça. Donc ça s'étale sur je sais plus exactement combien de centaines d'années, mais la vie des robots. Il met en regard en fait cette vie artificielle et qui du coup peut durer un petit peu autant qu'on le veut. D'ailleurs au début de la BD, il y a un débat sur combien de temps on fait durer les robots avec des contraintes de marketing, etc. Et c'était très vite dépassé. Et après, on voit ces robots évoluer au cours de leur vie et effectivement suivre chacun leur trajectoire. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est les ellipses, c'est-à-dire cette manière qu'a eu l'auteur de scander comme ça la trajectoire de ces deux robots. C'est des petites histoires qui s'arrêtent, en fait, qui s'interrompent et qui repartent après dans toute autre chose, avec du coup des thématiques de questionnement, soit philosophiques, soit existentielles. Et toujours ce regard un peu distant par rapport à l'humanité. C'est-à-dire que dans ce livre-là, le robot n'est pas mis en scène comme étant un sauveur de l'humanité ou potentiellement acteur interagissant avec l'humain. J'ai beaucoup aimé cette distance et le fait qu'on a comme ça une espèce de trajectoire robotique qui va être un témoin de la désagrégation du monde progressif du monde humain. Mais avec des problématiques tout à fait spécifiques au robot lui-même. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple, pour convaincre nos auditrices et nos auditeurs, pourquoi est-ce qu'il faut emmener carbone et silicium dans sa valise? Peut-être un mot sur le dessin et sur la mise en case qui est vraiment assez forte et assez... Le dessin, moi, m'a époustouflé. Et effectivement, alors je suis pas une très grande lectrice de BD. J'ai pas une grande analyse vraiment spécifique sur la mise en case comme vous dites. Mais oui, je reviens à l'ellipse. Hein, c'est cette manière qu'il a eu d'ouvrir chaque séquence avec une très grande case et de nouer après l'intrigue comme ça avec des dessins très précis. La manière dont il fait évoluer aussi le physique de ces robots au fur et à mesure de la BD. Ouais, et leur absence, enfin, ils ont jamais de corps, leur corps arrive jamais finalement à être constitué. Quand il l'est pendant 3 secondes, il se retrouve détruit immédiatement. Il y a des jeux d'esthétique et aussi des chocs visuels. Il y a des moments que j'ai détestés que j'ai trouvé très violents dans cette BD. Par exemple? Dans la soumission du robot à l'homme, etc. Que j'ai pu ne pas trouver nécessaire au récit, en fait, mais qui aussi participe, je trouve, à ce côté un peu dérangeant des questions existentielles qui sont posées et qui provoquent l'émotion, donc qui sont intéressantes. Ariel Guillaume. Oui, je peux pas concevoir une émission sans citer Philippe K. Dick, donc je vais en profiter. C'est sûr. Sans citer Philippe K. Dick n'est pas une émission. Donc en fait, c'est cette idée que le robot est un homme comme les autres, en fait, est un humain comme les autres, voilà, et qui sert de point de référence, totalement imparfait, totalement chaotique, comme l'humanité qui est autour. C'est un système, et ça montre bien, en fait, que les fictions d'intelligence artificielle ont encore un bel avenir devant elles, en fait, hein, au niveau à la fois esthétique, au niveau poétique, au niveau politique. Et là, s'en servir comme point de référence, comme ça, ça m'a semblé totalement dickien, et comme je suis drogué, en fait, donc ça m'a plu, voilà, tout simplement. Et puis après, on pourrait se dire, il faut pas d'émission sans citer Alain Damasio, il y a une postface d'Alain Damasio, donc il fait partie de la bande, ok, de tous ceux qui demandent à Alain s'il aurait la gentillesse de faire quelque chose, est-ce que c'est un signe positif ou pas? Je ne sais, on a parlé de Star Trek, hein, donc voilà. Alain qui a signé la volte-face de votre ouvrage, par ailleurs, il est partout. Oui, et qui a signé la préface du livre de nouvelles de Catherine. En fait, il est partout. Voilà. Nous avons cité Philippe K. Dick, nous avons cité Alain Damasio, nous pouvons continuer donc cette émission. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà de la musique de qualité pour continuer cette émission. René Fallet, La Soupe aux Choux, c'est aussi de la science-fiction. Nous allons continuer à vous proposer des livres, des séries, des films pour peupler votre été de science-fiction. Direction la Camargue, où s'est déroulé il y a peu de temps un anniversaire qui a été fêté, d'après mes informations, assez dignement. Les 20 ans du Diable Vauvert, Marion Mazorik. Et du coup, vous vouliez nous parler aujourd'hui d'un cycle de Patrick Doudnet, dont le 3e tome va sortir en septembre, qui, je crois, a gagné le Grand Prix de l'Imaginaire pour le premier volume, L'Enfant de Poussière. Dites-nous un mot de cette œuvre. Bah, écoutez, bon, il a gagné 7 prix littéraires, en fait, donc pas seulement le Grand Prix de l'Imaginaire, il a été récompensé du prix Pépite à Montreuil, mais aussi du prix des libraires indépendants Libre à nous, du prix du Mans, enfin. Donc ça a été une révélation pour beaucoup de gens, cette série de Patrick Doudnet. Il faut dire que Patrick Doudnet, en fait, il est anglais, mais il a toujours vécu en France. Donc il écrit en français, il est complètement français dans sa langue et dans sa culture. Mais il a cette chose qui est à la fois la profondeur et le sense of wonder, le sens du récit, le sens de la narration, quelque chose de très anglo-saxon. Je crois qu'en plus, il s'est trempé dans Robin Hobb, en fait, pour écrire son grand cycle de 6. Donc il a commencé avec L'Enfant de Poussière, puis La Peste et la Vigne, et en septembre sortira Les Chiens et la Charrue. Alors pourquoi le conseil cet été? Tout simplement parce que moi personnellement, j'ai déjà lu 3 fois le cycle, et évidemment, alors je ne vais pas le refaire cet été parce que je l'ai fait récemment, mais c'est vraiment la lecture de l'été, quoi. Vous allez tout oublier. Alors dites-nous, Marion, en quelques mots, c'est quoi ce cycle? C'est quoi cet univers? C'est un univers vraiment très iconoclaste. C'est pas vraiment de la science-fiction, c'est plutôt du fantastique qui tire vers la fantasy. Oui, et décrivez-nous un peu de quoi il s'agit. Complètement. C'est une espèce de fantasy matérialiste qui décrit un univers prémédiéval en crise. Hein, le roi est mort, donc il y a chaos politique. Et on suit, on rentre dans ce titre comme on rentre dans du Dickens, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on suit dans le premier cycle un enfant qui est vraiment, alors vous parliez d'anti-héros tout à l'heure, lui c'est un perdant vraiment, c'est-à-dire c'est un fils d'esclave, un orphelin qui est métis, qui est moitié sauvage, qui porte sur sa couleur ses origines sauvages, et qui dans ce monde-là est d'abord orphelin, puis va être soldat, enfant volé, va toujours être l'objet en fait, puis militaire, mercenaire, la chair à canon de la guerre. Il fait vraiment partie des humbles. Et déjà, ce que déboulonne complètement Doudnay dans une série de, oui, c'est plutôt de la fantasy, mais c'est un roman historique, en fait, et ce qui déboulonne, c'est la posture du héros, justement. En fait, il fait à la fantasy ce que Zine a fait à l'histoire américaine, c'est-à-dire qu'il écrit la fantasy du point de vue des non-héros, des gens qui ne sont rien, des victimes. Et du coup, alors c'est un cycle en plus qui est hyper moderne parce qu'il est très écologiste. Le personnage entretient un rapport à la nature qui grandit d'ailleurs de livre en livre et qui est très intime. Doudnay vit dans les forêts du Limousin, donc il y a une sensibilité à la nature qui est exceptionnelle. Mais pas seulement, quoi. Il y a la reconstitution complète de population, il y a une perspective historique avec des problématiques de chaque culture. Alors là, on est un peu dans Le Seigneur des Anneaux, si vous voulez. On a vraiment une invention qui est extrêmement poussée de toute la structure anthropologique, sociale, historique des peuples qu'on croise. Donc c'est une œuvre à la fois très vaste, mais qui fonctionne comme un récit de quête autour d'un personnage qui est un anti-héros qui porte une identification formidable. C'est le cycle de Sif, l'enfant de poussière, premier tome. Le troisième tome sort quand exactement, Marion ? En début septembre, Les chiens et la charrue. Donc il sortira en même temps que Folio, d'ailleurs, sort le second volume. Et il est assez formidable, ce troisième volume, parce que là, le personnage a 20-25 ans. Il a tout perdu. Il est totalement désespéré, alcoolique, il veut fuir, en fait, il veut mourir sans y arriver. Et donc, il entre dans cet âge adulte ou pré-adulte, comme on entre, vous savez, je ne laisserai personne dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie, comme a dit, comme s'ouvre Aden Arabi. Et c'est exactement ça. Et donc, il est à cet âge où on ne sait pas qui on va devenir, où on n'a pas le courage de mourir, mais, et où il faut trouver pourquoi vivre et un sens à sa vie, tout simplement. Donc là, dans ce troisième volume, on est dans une nouvelle ouverture qui est le vrai roman de formation d'un homme préadulte qui cherche à trouver une place dans un univers dont il est la victime sans cesse. C'est très très beau, en fait, d'abord, avant toute chose. Et c'est très bien pour l'automne, pour rentrer dans la nuit hivernale progressivement, pour sortir de l'été. On commence les deux premiers tomes cet été et on fait le troisième tome pour l'automne. Voilà. Merci. Marion, oui, peut-être un dernier mot rapidement? Peut-être quelqu'un l'a lu autour de la table, mais ça a été, je crois, une vraie découverte dans la fantaisie française parce que c'est un cycle qui est à la fois de la fantaisie traditionnelle très inspirée par les grands cycles américains. Et en même temps, il y a quelque chose de plus qui est bien de chez nous et qui est cette espèce de profondeur historique et cette beauté de la langue qui va être très poétique et absolument magnifique. Donc, je pense que c'est une vraie œuvre à découvrir. Aussi pour les non-lecteurs de fantaisie, je précise. Donc, le cycle de Sif de Patrick Doudnay, c'est au Diable Vauvert. On va rester en littérature avec vous, Romain Daudet-Jahan. Vous avez lu, vous avez aimé, vous vouliez conseiller Des milliards de tapis de cheveux d'Andréa Esbar. C'est chez La Talente. Pourquoi ? Racontez-nous un peu votre amour pour ce livre. C'était délicat de trouver un roman à conseiller parmi tous ceux que j'aime, mais j'ai choisi celui-là parce que des années après l'avoir lu, il me revient en mémoire et dans la tête des scènes de qu'on découvre et qu'on lit avec amour et effroi parfois dans ce roman incroyable. Donc c'est un roman qui est paru en 95 en Allemagne et traduit en France en 99 et qui est construit sous la forme de 17 chapitres qui sont apparemment indépendants les uns des autres, un peu comme 17 nouvelles et qui peignent progressivement une civilisation pan-stellaire. Extrêmement avancé, mais l'action se déroule sur une planète isolée, où les technologies sont extrêmement limitées, bien qu'il y ait un astroport. Le peuple vit dans une sorte de monde un peu avec des codes un peu médiévaux, et toute l'économie de cette planète isolée est basée sur une tradition ancestrale qui consiste pour les tisseurs, qui font partie de la guilde des tisseurs, à créer pendant toute leur vie un seul tapis avec les cheveux de leur femme. Ils apprennent leur art pendant leur enfance, ils fabriquent un cadre de bois, ils décident des motifs que prendra leur tapis. Et ensuite, toute sa vie, un tisseur utilise les cheveux de sa femme pour créer son œuvre. Et à la fin de sa vie, lorsque le tisseur est au bord de la mort et que le tapis est prêt, il le vend lors d'une cérémonie rituelle à des marchands qui l'emmènent dans le palais de l'empereur. En tout cas, c'est ce que dit la légende, puisque personne n'a vu ni le palais ni l'empereur depuis des siècles. Et le roman commence lorsqu'une rumeur court dans la population qui perturbe extrêmement ces gens dévots et obsédés et extrêmement admiratifs et adorateurs de l'empereur. Une rumeur court que l'empereur serait peut-être mort ou aurait arrêté de gouverner. Et là, on se retrouve confronté à des personnages qui sont complètement bouleversés à la fois dans leurs croyances et dans leurs habitudes. Et voilà, et c'est un grand roman sur le conditionnement politique, le conditionnement religieux, et sur la façon dont on peut emprisonner mentalement des peuples entiers dans l'adoration, dans le totalitarisme, dans le fascisme, en fait. C'est un roman ou c'est un imaginaire qui a contaminé ou qui vous a inspiré, vous, pour votre travail de création en tant que scénariste? Il y a un vertige cosmique. Donc, moi, ça m'intéresse dans ce que j'écris dans le cinéma. Mais il y a quelque chose qui est propre à la littérature et aussi à la bande dessinée. C'est que il n'y a pas de limite à ce qu'on peut écrire par rapport au cinéma, où là, on a parfois des limites de budget. Donc il y a quelque chose d'extrêmement ambitieux, épique et vaste, à la fois terrible et sublime. Il y a des scènes et des chapitres de ce roman qui explorent chacun à leur façon cette question du conditionnement et cette question de la façon dont on peut sacrifier sa vie à une foi, une croyance dont on sait très peu de choses, en fait. Des milliards de tapis de cheveux, c'est chez l'Atalante, toujours en littérature. Simon, le premier souper d'Alexandre Dikoff, pourquoi cette lecture et pourquoi cet été? Eh bien, écoutez... Pourquoi cet été, Simon? Pourquoi cet été? Parce que, ma foi, c'est cet été. Et non, tout simplement, moi, à l'ancienne, je suis tombé amoureux du livre en voyant sa couverture qui m'a tapé dans l'œil. La quatrième de couverture m'a convaincu que je pouvais me délester de quelques euros. Et j'ai découvert donc le premier roman d'Alexandre Dikoff, qui est également traducteur et poète. Et donc, il a une appréhension de la science-fiction qui éclate à peu près tous les codes qu'on connaît, auxquels on est habitué. On est face à un roman qui se compose, on va dire, de trois histoires, ou plutôt de trois univers. Trois univers qui sont traversés par un texte qui existe dans ces trois univers. Trois mondes où on va parler du fait de s'alimenter, de se dévorer. Un monde où, tout simplement, des millions de mineurs, dont le corps a été modifié pour leur permettre de se nourrir de pierrailles, vont découvrir que les chefs de la mine mangent des fruits et vont se révolter. Un autre monde où des êtres qui ne possèdent pas d'incarnation physique, des aliens, vont littéralement... prendre la chair des vivants pour pouvoir s'incarner. Et puis une autre dimension où il y a, on va dire, un combat spirituel, religieux, entre les êtres qui se nourrissent d'autres êtres pour exister et ceux qui se nourrissent d'eux-mêmes. Et c'est une science-fiction qui est à la fois poétique, qui est simultanément noire et très lumineuse, qui est traversée donc par un texte et un poète mystérieux qui existerait simultanément dans ces trois mondes. Et il arrive à faire quelque chose qui est incroyablement évocateur, qui est souvent d'une poésie assez fulgurante. On évoquait tout à l'heure pour Carbone et Silicium l'art de l'ellipse. L'art de l'ellipse est d'autant plus frappant que c'est un texte relativement court, c'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas nécessaire à première vue, et pourtant on passe d'une page à l'autre, d'année en année, de mois en mois, et petit à petit le texte se transforme en une espèce de chanson de gestes absolument fascinante, hypnotique parfois. Et je trouve que d'un point de vue stylistique, c'est une gifle monumentale. Marion Mazurik, vous vouliez réagir? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Alexandre Dikoff. Figurez-vous que... Alors, on a une résidence d'écrivain au Diable Vauvert qui ne désemplit pas. Et il est venu donc sur la proposition d'Alain Damasio. Donc, on a encore cité Alain. Nouvelle citation. Mmh. Nouvelle citation. On met un euro dans le Nouvain. Il est vraiment partout. Donc, c'est le traducteur d'Alain Damasio aux États-Unis. Il est américain, complètement francophone et francophile. Et donc, Alain nous a demandé de le recevoir en résidence pour finaliser justement ce roman. Et figurez-vous qu'il est arrivé chez nous 2 semaines avant le confinement, le premier confinement. Et que donc on l'a renvoyé au bout de 12 jours, je lui ai dit « Mais Alexandre, faut que tu rentres, sinon tu vas être bloqué en France. » Et heureusement, parce qu'il aurait été effectivement bloqué plusieurs mois. Et alors j'ai donc eu une courte rencontre avec Alexander, qui m'a laissé d'abord ses recueils de poèmes. Donc c'est un poète tout à fait délicat et intéressant. Et alors moi j'étais quand même dans l'attente de quel roman de science-fiction, puisque je savais qu'il allait publier à la Volte, pouvait écrire un poète comme ça, qui par ailleurs traduisait Damasio. Et donc il m'a offert son livre et je l'ai lu. Vous en avez très bien parlé, hein, c'est exactement ça, mais... Effectivement, c'est quelqu'un qui vient à la science-fiction, je pense, par la poésie, et qui, du coup, écrit une SF. Alors, je pense qu'on en aura plus en plus des livres comme ça, très, très littéraires, qui arrivent à la SF par le chemin de la poétique. Et c'est un livre très, très beau, qui m'a fait penser, ça m'étonne pas d'ailleurs de l'éditeur qui publie aussi Léo Henry, qui est une plume magnifique du même type. Voilà, je voulais dire que c'est un très beau livre, effectivement hypnotique, et qu'on est très très fiers d'avoir contribué un petit peu à l'accouchement de cette personne qui est un Américain qui écrit un français sublime, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est étonnant, quoi. C'est quand les étrangers écrivent notre langue, ils vont chercher des choses que nous on voit plus, hein. Oui, voilà. Et moi je suis absolument, absolument surpris et passionné par ce qu'on pourrait appeler peut-être une espèce d'influence qui est proche de la body horror cronenbergienne, parce qu'il parle de physionomie, d'appétit, de dévoration qui sont impossibles, qui sont parfois révoltantes, parfois étrangement belles. Il y a une inquiétante étrangeté dans ce texte et dans cette prose que je trouve tout simplement singulière, et je trouve ça d'autant plus intéressant d'arriver à convoquer des grandes figures qui viennent d'un cinéma d'horreur ou de science-fiction pour tout d'un coup, mais comme vous venez de le dire Marion, pour les conjuguer avec de la poésie, et c'est un mélange que je n'avais jamais rencontré, je crois, jusqu'à présent, peut-être un peu chez Clive Barker, mais dans un penchant plus horrifique, et je trouve que tout ça s'accompagne d'un sens de la grâce et de la douceur. C'est une langue qui peut raconter avec une douceur infinie des mouvements d'humanité d'une terrible violence. Et lire la description du tube digestif modifié d'un ouvrier du futur qui a été transformé pour ne plus pouvoir manger que des cailloux et qui découvre un jour ce que c'est que de manger une pomme, eh bien c'est à la fois extrêmement simple, pas loin de l'universel, et d'une richesse stylistique qui me laisse gentiment sur les rotules. En fait, il est pas loin d'une forme de la world littérature et d'auteurs comme Van der Meer dans justement Born ou des choses comme ça, avec des poétiques de la chair très très puissantes. Et puis surtout un sens de la langue qui conduit le texte aussi, quoi. Non, c'est bon, voilà, c'est des démarches singulières, mais si on apprécie que la littérature nous surprenne, c'est le cas. Et je vais ajouter, du coup, alors c'est le premier souper d'Alexander Dykhoff aux éditions La Volte, et du coup je vais rajouter ce que je fais rarement, mais en l'occurrence un de mes coups de cœur de cette année qui me fait penser un peu à ce que vous évoquez, Simon, c'est pareil, une novella qui est publiée dans Une Heure Lumière du Belial, un petit texte assez court de Lucius Shepard qui s'appelle Le Livre Écorné de ma vie, et qui est un livre extrêmement surprenant qui parle aussi de cette espèce d'univers parallèle extrêmement incarné où un auteur va découvrir en faisant des recherches accessoires que un autre auteur a écrit un livre qui s'appelle La Forêt de Thé, et que cet auteur a le même âge que lui, qu'il a suivi les mêmes études que lui, et il va d'un seul coup vouloir partir sur les traces de cet auteur en remontant au Cambodge, et donc c'est un peu barkerien aussi, c'est une sorte de longue descente le long de ce fleuve dans un enfer de chair, de sensualité malade et toxique. C'est extrêmement court, c'est d'une grande poésie, c'est d'une espèce de noirceur assez sublime, je dois dire, et ça m'a vraiment beaucoup bouleversé. Le Livre Écorné de ma vie de Lucius Shepard, c'est donc dans la collection Une Heure Lumière, qui est une excellente collection de petites novellas aux éditions du Bélial. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h40, nous continuons à parler de science-fiction et à vous donner des conseils de lecture, de visionnage. Et depuis le temps que je vous en parle, depuis 5 ans quasiment, il n'y a pas que moi qui rêvère ce film Cohérence de James Ward Birkitt. Mathieu Pinon, bienvenue, vous êtes arrivé. Bonjour, finalement. Bonjour, soyez le bienvenu. Un petit bijou de science-fiction minimaliste avec un scénario à toute épreuve. Oui, et un budget minimal, c'est-à-dire que... ne serait-ce que si vous intéressez au cinéma, même pas à la science-fiction, ça vaut la peine de voir ce film, puisqu'en fait le réalisateur a invité 8 comédiens à venir chez lui dans sa maison. C'est tourné chez lui en une semaine à peine. Les comédiens n'avaient pas de script, mais chaque jour, ils leur donnaient une feuille avec quelques indications sur leur personnage. Et à partir de là, ils pouvaient complètement improviser. Et donc, c'est un film qui part sur tout simplement le principe de multivers, d'univers parallèle, avec alors la liaison avec la physique quantique, qui n'est pas forcément très finement apportée. On nous sort encore une fois la métaphore du chat de Schrödinger de manière pas très très fine, sous prétexte qu'une comète passe à proximité de la Terre, donc quelque chose se passe. Et en fait, les 8 personnes qui se retrouvent, qui sont 8 amis, et même 4 couples d'amis, on commence dans un film français, il y a un couple, l'un sort avec celle qui était auparavant la petite amie d'un autre camarade, par conséquent il y a des petites scènes de jalousie qui arrivent ici ou là, il y a l'ancienne Baba Cool qui vient avec des produits à base de valériane et de somnifères pour pouvoir que tout le monde soit détendu. Avec un soupçon de kétamine. Avec un soupçon de kétamine. Une brume de kétamine, très exactement. Et donc, la soirée se passe bien jusqu'à ce qu'il y ait quelques phénomènes étranges qui arrivent. Les téléphones portables se craquellent, se fissurent sans qu'on sache pourquoi. Des pannes de courant arrivent. Et là, très vite, nos 8 invités vont se rendre compte que, eh bien, il y a des sortes de choses très étranges qui se passent à l'autre bout de la rue. Il y a une maison qui ressemble énormément à celle dans laquelle ils sont, avec des gens qui ressemblent énormément à eux-mêmes, mais avec de très légères et de très subtiles différences. Je ne vais pas vous dévoiler tout le film parce que sinon il n'y aurait aucun intérêt à le regarder. Mais c'est très intéressant pour qui aime Philippe K. Dick avec la perception. Ça y est, un euro de plus dans le noir. Un euro de plus dans le noir. Avec donc la égalisation. La perception de la réalité. Et au fur et à mesure, en fait, ce qui est très très intéressant de voir, c'est les réactions des personnages face à ces choses très étranges qui arrivent autour d'eux. Et on se rend compte que finalement, l'être humain cherchera toujours à trouver quelque chose de mieux dans un environnement qui n'est pas forcément le sien. Mais à partir du moment où il se retrouve mieux qu'au départ, il va aspirer à aller vers ça. Et donc, on va avoir des réactions tout à fait diverses, mais qui sont toujours cohérentes. Ce qui tombe bien, puisque le film s'appelle Cohérence. C'est effectivement un petit bijou de scénario, Romain Dodéjahan. Vraiment, c'est pas de budget, mais un scénario incroyablement construit, ciselé, une sorte de puzzle de multivers qui se déploie dans un temps assez court, puisque le film dure 1h30. C'est la bonne idée. Autant tout à l'heure, on parlait de la capacité de la littérature à peindre des univers et des décors qu'on pourrait pas représenter au cinéma. Autant là, dans Cohérence, on a une sorte d'économie à la fois dramatique et tout simplement financière, puisque comme vous le disiez, c'est tourné dans un seul décor. Et en même temps, c'est une espèce de puissance scénaristique qui nous fait éclater la tête littéralement, puisque chaque scène, et au fur et à mesure que le film avance, il y a une sorte de vertige qui se crée par rapport à ce qu'on comprend de l'action, qui est tout simplement fascinante, quoi. Ouais, c'est la bonne idée de scénario. Ouais. C'est la bonne idée, puis c'est une bonne idée extrêmement bien écrite, intelligemment montée, toute cette première partie avant qu'on bascule dans le fantastique, qui est montée de manière extrêmement cut, où on passe d'une scène à l'autre dans cette ambiance de dîner extrêmement improvisé. Simon Rio, il y a une vraie intelligence de l'écriture et du montage, de l'écriture cinématographique. De l'écriture, du montage, mais aussi de l'incarnation, de la direction d'acteur. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ça n'est jamais un film de petit malin qui voudrait être démonstratif, qui déroulerait son concept en nous donnant des petits coups dans les côtes, en nous disant, mais qu'est-ce que je suis intelligent, tu as vu ma belle idée. Il laisse exister ces personnages, et jusque, encore une fois, dans le montage, dans l'ellipse ou dans les effets de vertige, d'écho, de retour, de renvoi, les comédiens peuvent exister, et il est, moi je trouve, assez remarquable de réussir à être aussi rigoureux, aussi carré en termes d'architecture, de narration, et de parvenir à laisser exister de la chair au milieu de tout ça. Ça, c'est très très fort. Il y a quelque chose qui est formidable également, en tant que spectateur, la première fois qu'on le voit, c'est qu'à chaque fois qu'on pense enfin avoir saisi et avoir trouvé une prise dans le film, il y a hop, un chose qui s'ouvre sous nos pieds, et on est reparti comme les personnages complètement dans l'inconnu. Et une noirceur qui sous-tend tout ça, qui est assez belle, et on ne spoilera pas la fin cette fois-ci. De partout, Kadic Damasio, qui gagnera ce match à l'issue de cette émission. Mathieu, puisque c'est votre spécialisé, oui. Vous êtes venu non pas avec de la SF, enfin si avec de la SF, mais avec beaucoup de mangas dans la valise. Parlez-nous un peu d'une sélection de ce qui est bon d'emporter et de lire cet été. Alors ça va dépendre. Si vous aimez le cyberpunk bien fichu, il y a Eden. Alors Eden est un manga qui ne date pas d'hier, il date de 98 et pendant très longtemps il était difficile de le trouver puisque c'était en rupture d'impression. Et l'éditeur a eu la bonne idée de le ressortir en grand format de luxe. On savoure encore plus le dessin de Hiroki Endo, le mangaka. Ça commence comme quelque chose qui est totalement d'actualité alors que c'est de 98 puisque 15% de l'humanité est éradiquée suite à un mystérieux virus qui vient d'arriver, le closure virus. Et dans cet univers complètement post-apocalyptique, on va voir les choses se dérouler sur plusieurs décennies. C'est ça qui est très intéressant. Vous avez un premier prologue qui, à l'époque des tomes format classique, prenait quasiment un tome et demi. Ici, il prend la moitié du premier grand tome. Et les deux personnages qu'on voit en tant qu'adolescents, quelques temps plus tard, ils sont devenus adultes et en fait, on va suivre ce qui est arrivé à leurs enfants. Donc, il y a vraiment cette narration qui est non linéaire, qui va agir avec des flashbacks. Et il y a à peu près tout ce qu'on veut dans Eden. Vous avez du cyberpunk, vous avez de la hard science, vous avez des histoires qui se passent avec de la mafia et de la prostitution. C'est quelque chose qui, c'est vraiment une œuvre somme. L'auteur qui l'a lu, qui l'a écrit, a lu Akira, a fait « Je veux faire mon Akira à mon tour ». Et il a passé 10 ans avant de prendre les crayons pour le faire parce que il a vraiment tout préparé de A à Z au niveau scénaristique. Il est allé enquêter auprès des plus grands scientifiques pour ne pas dire de bêtises justement sur le côté art science. C'est en plus magnifique. C'est pas souvent qu'on peut dire ça quand on voit des corps qui se font éventrer par des lames. Si, Simon Rio dirait exactement la même chose. Mais c'est un bon dimanche. Voilà, je ne saurais trop vous recommander sa lecture si vous aimez le cyberpunk. Et c'est chez Panini, de Hiroki Endo, donc. Et si, à l'inverse, vous aimez plutôt quelque chose qui est plus poétique et réflexif, je vous conseille Dead Demons Destruction de Inyo Asano aux éditions Kana. Inyo Asano est un mangaka qui s'est déjà fait connaître pour avoir su saisir le mal-être adolescent, particulièrement au Japon, dans ces villes parfois déshumanisées. Et l'histoire commence en 2014. On nous explique qu'en 2011, un mystérieux vaisseau alien est apparu au-dessus de Tokyo. Donc, c'est un petit peu comme dans V, souvenez-vous, gigantesque. Mais le problème, c'est que le vaisseau a eu une avarie. Et un morceau du vaisseau est tombé sur un quartier de Tokyo et a fait quasiment 100 000 morts. Donc, c'est quelque chose qui a forcément traumatisé la majorité des Japonais. Et comment réagir face à ça? Sachant que ces aliens n'ont aucune intention belliqueuse de marquer. Donc, ce sont les Japonais qui vont commencer à faire le premier pas en essayant de tirer sur ce vaisseau. L'intrigue en elle-même suit l'histoire d'amitié entre deux adolescentes qui vivent dans ce monde un peu étrange. Et en filigrane, on va avoir les thématiques des réfugiés, de l'immigration au Japon. Il va y avoir, comme Asano suit beaucoup l'actualité dans un manga précédent qui s'appelait Bonne Nuit Poun Poun, il avait parlé du traumatisme de 2011 quasiment en direct dans son manga. Dans les derniers tomes en date, on sent totalement l'incidence du coronavirus sur sa création. Et tout ce qui se passe à l'heure actuelle où je vous parle, le tome 11 est sur le point de sortir. Et dans le tome 9, il y a un gigantesque twist qui redistribue complètement la donne. J'en profite pour saluer mon ami traducteur et interprète Thibaut Desbief qui s'occupe de la traduction, qui s'est arraché les cheveux, parce que ce qu'il avait fait, il a dû le revoir, puisqu'à partir du tome 9, tout change. Donc, vous aurez une merveilleuse surprise en lisant ce manga. Donc, Dead Demons Destruction, d'Inyo Asano, c'est aux éditions Kana. On revient à la littérature avec vous, Cécile. Vous avez lu et aimé Erectus de Xavier Muller. Racontez-nous tout. Absolument. Alors, d'abord parce que c'est une histoire de pandémie. Alors, bon, je comprendrai que les auditeurs qui nous écoutent trouvent qu'ils ont assez à faire avec la pandémie actuelle pour se penser dans une pandémie de science-fiction. Mais moi, ça m'a beaucoup délassée. D'abord parce que le virus Kruger, c'est ce nom dans le livre, voilà, je le trouve beaucoup plus effrayant que le SARS-CoV-2, personnellement. Puisque c'est un virus qui, enfin, c'est pas pour minimiser les souffrances des personnes qui ont eu le Covid, hein, mais bon, moi, ça me fait plus peur. C'est un virus qui fait régresser, qui transforme les individus en une forme ancestrale de l'histoire de la vie. Les éléphants redeviennent des gomphotériums, les baleines des pachycétus, et les plantes à fleurs deviennent des magnolias, et les hommes, les humains, deviennent des erectus, comme le nom du roman. Voilà. Et Oh, c'est assez paniquant, et d'ailleurs les gens paniquent, voilà, ça retrouve des choses qu'on a vécues récemment. Alors le livre, le premier tome, qui a deux tomes, le premier tome a été écrit avant la pandémie, hein, alors, et c'est assez amusant de le lire maintenant, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire... Ah, s'il l'avait écrit après, il aurait écrit ça autrement. Du genre, les modélisations, les projections des modèles, il en aurait fait quelque chose de beaucoup plus terrible. Là, ils ont peur qu'il y ait 5 millions de personnes infectées. On se dit que c'est absolument ridicule. Donc voilà, mais... Et puis, alors, on retrouve évidemment la panique des individus, on retrouve la violence de certains États autoritaires, et on a même effectivement le scientifique qui a raison contre tout le monde. Alors, bon, on en a peut-être eu un peu. Du moment qu'il ne s'appelle pas Didier R, tout va bien. Voilà, c'est... Mais non, c'est une femme, voilà, et elle est quand même, même si on a eu notre lot de scientifiques qui avaient raison contre tout le monde, elle est beaucoup plus sympathique, il faut dire. Elle a finalement raison par ailleurs. Et en plus, elle ne la ramène pas. Donc, ça change effectivement de ce qu'on a vu à la télé ces derniers temps. Donc voilà. Alors, les auditeurs familiers avec la théorie de l'évolution seront peut-être un petit peu agacés par une vision assez linéaire de la théorie. Et voilà, c'est de ce côté... régressif qui mais bon, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de limite à ce qu'on écrit, la licence de l'écriture fait que voilà, et ça marche, on s'intéresse, on s'attache au personnage, voilà, c'est assez amusant, et puis ça oblige à se poser des questions quand même, voilà, c'est des questions de tout temps, certes éternel, qu'est-ce que le propre de l'homme, parce qu'après tout, est-ce que dans les livres de paléontologie, tout le genre homo, ce sont des hommes, et quand on se trouve face à un erectus, est-ce qu'on trouve toujours qu'il est un homme? Peut-être pas, enfin bon, toutes ces questions-là. Ça ne finit pas bien, je ne spoil pas, surtout mais pas suffisamment mal pour se dire qu'il n'y avait pas un tome 2, et il y a eu un tome 2. Qui est paru en février dernier. Voilà, et qui est... Alors, autant le premier était assez linéaire aussi, le livre, là, c'est beaucoup plus complexe, on sent que l'auteur s'est complètement lâché. On se retrouve avec des virus différents, et notamment un virus qui, lui, a été manipulé. C'est le virus Kruger, mais qui a été manipulé par un très, très méchant, qui est un peu caricatural, mais qui porte bien, je trouve, deux récits contemporains, qui est le transhumanisme d'une part, puisque ça augmente les hommes, et en même temps la collapsologie, parce que il faut rendre la Terre à l'état où elle était, quoi, avant que nous n'arrivions et que nous mettons le boxon. Donc voilà, donc pareil, ça pose toutes ces questions-là, et notamment aussi la question de, au nom de la lutte contre une pandémie, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Est-ce qu'on est prêt à abandonner de nos libertés? Un petit passage qui m'a fait beaucoup rire, un peu jaune, mais sur un moment, donc le variant arrive et le héros dit à ses compagnons, est-ce que vous êtes bien à jour de vos antiviraux? C'est des antiviraux, là, voilà. Et les gens blêmissent. Voilà, je trouve que ça fait réfléchir en ce moment. C'est donc Erectus de Xavier Muller, deux tomes aux éditions XO, le troisième tome qui devrait arriver dans peu de temps. Et pour conclure ce premier tour de table, puisque je vous rappelle que nous restons ensemble une heure de plus et que ce sera disponible en podcast et sur le site de France Culture, Olivier Lascar, je ne sais pas si le confinement a eu raison de votre santé mentale, mais votre coup de cœur Covid, c'est ça. Deep inside this vertical city, a machine has come to life. A machine with a terrible secret. As long as the police think there were accidents, I have no reason to think there was any other cause. I just want to know what the real cause is. It's not normal for things to happen that way. Je vous laisse désannoncer cette bande-annonce en anglais, Olivier. The Lift. The Lift, l'ascenseur. L'ascenseur, c'est un film néerlandais d'ailleurs. Hein. Oui, c'est un film néerlandais qui date de 83. Effectivement, je l'ai retrouvé dans ma crypte, dans mes boîtes de VHS, puisque c'est très difficile de le voir aujourd'hui en DVD ou même sur les plateformes de VOD. C'est un film d'un dénommé Dick Maas qui continue à tourner, qui a été en son temps grand prix du Festival international du film fantastique d'Avoria ou d'Avoriaz, je sais jamais. D'Avoria. Voilà. Et c'est un film qui, comme souvent chez Dick Maas, tourne autour de la capitale des Pays-Bas. Ça semble être son sujet de prédilection, mais c'est sur le mode Vachar, puisqu'à chaque fois dans les films de Dick Maas, on voit Amsterdam qui est terrorisé par un tueur en série. Il y a eu un film assez culte qui s'appelle Amsterdam, dans lequel Damned, dans lequel le tueur en série est un homme grenouille. Il en a fait un récemment qui s'appelle Prédateur, qui n'est pas terrible, dans lequel Amsterdam est terrorisé par un lion, figurez-vous. Et là, dans l'ascenseur, le tueur en série, c'est un... C'est un ascenseur. Alors, le ça film. Ça faisait fureur dans les cours d'école. Ah, oui. Enfin, moi, à mon époque, tout le monde devait avoir vu l'ascenseur. J'y étais aussi. Oui, j'y étais aussi. C'était à la même époque. Donc, je me souviens très bien de la peur qu'on pouvait éprouver des cages d'ascenseur vides et une peur qui est bien exploitée dans ce film puisque ça commence dans un grand immeuble résidentiel et dès le début du film, il y a un problème, il y a un courju et dans un des ascenseurs sont bloquées 4 personnes qui ne peuvent pas en sortir, malgré que le courant soit revenu. Il y a un problème d'air conditionné à l'intérieur, et quand les portes finalement s'ouvrent, ils sont grillés comme des toasts. Alors c'est le premier des meurtres dans ce film. Et alors le premier plaisir un petit peu coupable qu'on peut avoir, c'est que les meurtres sont faits avec beaucoup d'inventivité, hein, les cages d'escalier, les cages d'ascenseur ouvertes, l'ascenseur guillotine, etc. La guillotine, la fameuse guillotine. La tête coupée. Olivier, on va continuer peut-être à reparler de l'ascenseur tout à l'heure parce qu'on va avoir une deuxième heure et on arrive au bout. Parce que Simon Guillot a quelque chose à dire sur l'ascenseur. Il y a un remake totalement dispensable dont on pourra parler. Mais on arrive, je vous le dis, au bout de cette émission en direct. Et je voulais prendre un peu de temps parce que, je vous dis, on va se retrouver et on va continuer à bien vous remplir la valise. Mais un mot sur les programmes d'été, puisque si la méthode scientifique en direct s'arrête la semaine prochaine, ce sera une semaine de rediffusion. Eh bien, il y a de la science qui continue tout l'été à 16h. Et c'est une émission qui est présentée par des voix que vous connaissez, Antoine Beauchamp et Natacha Triou, une émission qui s'appelle Eureka. Alors, bonjour Nicolas. Antoine, racontez-nous un peu ce qu'il va y avoir dans Eureka tout l'été à 16h. Alors, Eureka, c'est une heure en direct du lundi au vendredi, consacrée chaque jour à une invention ou une découverte qui ont marqué l'histoire de l'humanité. On peut vous donner peut-être quelques... Donnez-nous quelques envies. Y a des grands écarts, on part de l'invention de la roue à la découverte du microbiote, l'invention de la monnaie. L'invention du zéro, la découverte de l'ADN, la découverte du détroit de Magellan. Voilà L'invention des sous-vêtements. L'invention des sous-vêtements, voilà. C'est pas une blague. C'est la première chose que vous portez chaque matin. Sans vous demander ce qui s'est passé avant et ce qui se passa après. Eureka, donc, c'est à partir du 5 juillet, tout l'été, en juillet et en août, d'abord avec vous, Natacha, puis avec vous, Antoine, au mois d'août, du lundi au vendredi, de 16h à 17h. Un mot pour vous dire que je ne vous quitte pas tout à fait, puisque je serai tout au mois de juillet, le week-end pour ma part, de 18h15 à 19h, dans un programme qui s'appelle Infiniment, où nous allons explorer les infinis, l'infiniment grand, l'infiniment petit, l'infiniment haut, l'infiniment profond. On sera entre la science, la culture, l'art, la création, la poésie, le cinéma. Ce sera tout au long du mois de juillet, donc les samedis et les dimanches de 18h45 à 19h. On peut se retrouver, si vous êtes dans les parages de Marseille, le 17 juillet, où ma camarade Catherine Dufour sera là pour une soirée pour le festival Oh les beaux jours, où nous allons envahir le Mucem pour faire des choses discutables. Ça va être magnifique. Ça va être superbe. On parlera un peu d'art, de science, de création. Il y aura de la musique, de l'improvisation. Ça va être super. On vous met le programme sur le fil Twitter de l'émission. Merci infiniment à toute l'indispensable équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Céline Lezen, Émilie Laguette de Saint-Vulfranc, Natacha Triou, Antoine Beauchamp. Un gros coup de cœur à Alexandre Morales qui n'a pas pu être là malheureusement pour cause de Covid. On lui fait des gros bisous. Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. La semaine prochaine, c'est donc une rediffusion du meilleur, du meilleur, du meilleur de la méthode scientifique. Lundi, on vous parle des oiseaux marins. Mardi, Michel Mayer et Didier Queloz. Les deux prix Nobel nous parlent d'exoplanètes. Mercredi, on vous parlera de voitures volantes, jeudi de linguistique intérieure et vendredi, rediffusion de notre entretien avec Neil deGrasse Tyson. On vous souhaite un très très bel été sur France Culture et on se retrouve pour la deuxième heure de la SF plein la valise sur franceculture.fr et en podcast. Info, intox ou buzz, il est temps d'y voir clair. Nicolas Martin. Les masques servent-ils à quoi que ce soit contre le Covid? Est-il vrai que plusieurs souches du virus circulent? Mais parce qu'il n'y a pas que le Covid dans la vie, est-ce que le tout répressif contre les drogues est efficace? Le mouvement QAnon est-il un mouvement populaire? Et la 5G est-elle un complot de Bill Gates pour nous implanter des puces dans le cerveau? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais souvent des mauvaises réponses, essayons ensemble d'avoir les idées claires. Les idées claires, une vidéo, un podcast, le mercredi sur franceculture.fr.